suis parti voir le directeur de l'Agence nationale de renseignement de ce pays, de dire que voici en décembre là un truc qui va se passer en Guinée équatoriale. Pardon, il faut éviter ça là. Ils ont dit, ah, ils sont pas au courant. Ils sont pas au courant. Ils sont pas au courant. Ils sont pas au courant. Pourtant, ils étaient au courant. Très bien au courant. Je pars voir un diplomate de ce pays-là pour lui dire que, écoute, voici un truc qui est en train de passer. Pardon, appelle les autorités de leur dire que un truc est en train de passer. Je vais leur donner certaines choses pour éviter la mort du président Teodoro Obiang Nguema. Tout le monde faisait comme si personne ne m'écoutait. Afrique Média, le monde, c'est nous.